Bosco Douiman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité BBN interdit la sortie de 600 tonnes de ciment du port de Bujumbura. Et pour cause, les documents d'importation à partir de la RDC ont été falsifiés, vous l'entendrez. Une cinquantaine de personnes ont été interpellées par la police ce lundi en zone Kamenge au cours d'une fouille et perquisition. Certains se lamentent que les agents de la police abusent parfois de leur pouvoir. Et la fuite des cerveaux dans le secteur médical inquiète la population qui demande au gouvernement d'améliorer les conditions salariales des médecins burundais pour les retenir au pays. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 600 tonnes de ciment produits par la société JLC opérant sur le sol congolais ont été interdites de sortir du port de Bujumbura ce lundi. Le directeur général du Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité BBN a fait savoir que ce bureau doit faire des analyses de ce ciment puisque les documents d'importation ont été falsifiés. De son côté, Claude Bernard Manirambona, représentant deux sociétés importatrices de ce ciment, appelle le BBN à accélérer ce travail vu que ces sociétés enregistrent une perte. Mireille Kanyang. Au port de Bujumbura, ce lundi, l'on déchargeait ce ciment en provenance de la République démocratique du Congo. Séverin Sindai Kengera, directeur général du Bureau burundais de normalisation, fait savoir que ce lot doit être analysé au laboratoire suite à la falsification des documents. Le ciment qui est en train d'être déchargé devrait continuer le processus et aller sur le marché. Mais maintenant, nous sommes ici pour vous dire qu'on va décharger ce ciment et qu'on va mettre dans les entrepôts ici au port et que le ciment va sortir après analyse. Si les analyses vont être vraiment réalistes, vont être conformes aux normes, le ciment va aller au marché ici dans notre pays. Interrogé sur une probable immixtion d'autres personnes, vu que la semaine passée, il avait suspendu toute commande et importation de ciment de la compagnie GLC en provenance de la République démocratique du Congo, le directeur général du BBN se montre rassurant. Vraiment, soyez rassurés. Aussi longtemps que je serai au BBN, on ne va pas travailler sous l'influence de n'importe qui. Que ce soit une haute autorité, que ce soit une autorité en rang qui est un peu inférieure, nous sommes indépendants. Il n'y a aucune influence là-dedans. Au cours d'une conférence de presse animée au port de Bujumbura, la presse est revenue sur le retard dans la mise en application des mesures prises par ce bureau. Ça traîne, mais ça va aboutir, répond-il. Les décisions que nous avons prises jusqu'à présent, je vois que vous faites allusion, n'est-ce pas, aux bouteilles de récupération, à la culture des amarantes. Attendez un peu. Ces décisions, il y a des procédures à suivre et des procédures où l'administration locale doit être impliquée. Et nous sommes en train de suivre ces procédures. Ça traîne, mais ça va aboutir. Claude Bernard Manirambona, qui a représenté deux sociétés importatrices de ce ciment, demande au BBN d'accélérer ses analyses puisque ces sociétés enregistrent des pertes. Nous attendons les résultats qui vont sortir de ces analyses afin qu'ils prennent une décision qui est bonne, qu'ils jugeraient bonne. Mais si le BBN pourrait faire rapidement ses analyses, cela vraiment nous aiderait à surmonter ces coûts que nous dépensons ici au niveau des entrepôts du port, au niveau de ces bateaux qui sont encore stationnés, parce que nous devons les payer journalièrement, afin que s'ils peuvent rapidement faire ça dans une semaine, ceci pourrait aussi nous aider et aussi faire face aussi aux carences de ciment constatées ici à Bujumbura. Parmi les sanctions à l'endroit des falsificateurs de documents, il y a notamment la fermeture définitive de l'entreprise, laisse entendre le directeur général du Bureau burundais de normalisation. Mireille Kanyang. Le départ des médecins spécialistes à l'étranger laisse en vide énorme puisque les patients ne reçoivent pas les services demandés à ces prestataires de soins. Des habitants de la ville de Bujumbura disent que dans ces conditions, ils se retrouvent dans l'incapacité de se faire soigner ou de payer très cher à l'étranger. Ils demandent au gouvernement d'améliorer les conditions de travail des médecins pour les retenir au pays. Suivez ce micro-baladeur de la radio-télévision Isanganiro. Le départ des médecins à l'étranger affecte beaucoup les patients parce que les patients peuvent aller à l'hôpital ici au Burundi. Il manque des médecins spécialistes, donc capables de bien les traiter. Dans ce cas, ils pensent à aller ailleurs, donc à l'étranger, pour chercher son médecin spécialiste. Dans son cas, il va dépenser beaucoup d'argent qui peut leur aider ici au Burundi. Ça, c'est pour les gens qui sont capables d'aller ailleurs. Il y a les autres qui sont incapables d'aller se faire soigner ailleurs. Dans son cas, donc vous comprenez bien qu'on va trouver beaucoup de morts à cause de manque d'argent pour aller se faire soigner ailleurs. On doit être conscient que le pays a fort investi dans nos études. En guise de remerciement, on devrait être au service de la nation pour aider et pour contribuer au développement du pays en général, en particulier en aidant la population ayant dans le besoin. Parmi les raisons qui poussent ces spécialistes d'aller à l'étranger, peut y avoir que le salaire est insuffisant. La proposition que je peux faire, c'est l'effort de l'État. Je propose que l'État fournisse des efforts pour le salaire de ces médecins spécialistes parce que je crois que ces médecins préfèrent aller ailleurs en restant dans notre pays pour chercher des salaires élevés. Donc si le pays fournit de l'effort pour mieux rémunérer ces médecins, je crois qu'il peut rester ici au Burundi pour le bien-être de la population burundaise. Je voulais lancer un appel pressant à l'endroit des autorités burundaises de revoir s'il y a moyen de voir comment traiter ces spécialistes afin de freiner ce départ massif vers l'étranger. De deux, il faut que ces médecins sachent que le pays a investi pour avoir ce niveau d'intelligence. Les médecins devraient être au service de la nation en guise de remerciement au pays qui a contribué pour les études. C'était le micro-baladeur de la rédaction. Des interpellations de la police font grincer les dents de certains habitants de la mairie de Bujumbura. Ceux qui se sont entretenus avec nos confrères donnent l'exemple de ceux qui ont été arrêtés ce lundi en zone Kamenge pour n'avoir pas de carnet de ménage bien signé par les autorités habilitées. Ils expliquent que ces autorités à la base conditionnent leur signature à la présentation de certificats de paiement de l'impôt foncier alors qu'ils sont des locataires et que ces impôts sont payés par les propriétaires de parcelles. Un reportage signé Sheila Irambona. Certains habitants du quartier Gitouro, en zone Kamenge, qui se sont exprimés sur les micros de la radio-télévision Isanganiro, se sont plaints que ces 47 personnes arrêtées l'ont été de façon abusive. Ce qui les a étonnés, c'est que la police les a arrêtés alors qu'ils avaient donné des explications sur le pourquoi leur cahier de ménage n'était pas signé. La chef culinaire a refusé de les signer car les propriétaires de la parcelle qu'ils occupent n'ont pas encore payé l'impôt foncier. Le problème qu'il y a eu est que notre chef de colline n'a pas voulu apposer sa signature dans nos cahiers de ménage car on n'a pas encore payé l'impôt foncier. Nous avons essayé de nous expliquer, mais en vain. Ils ont fini par nous embarquer jusqu'au PCR. C'est vraiment pas facile pour nous de chercher un document car si tu n'as pas de quittance pour attester qu'on a payé l'impôt foncier, tu n'as droit à aucun document. Selon eux, cela ne devrait pas être une raison pour ne pas signer leur cahier de ménage. Ils demandent aux autorités de donner des instructions pour que ces élus locaux ne puissent pas prendre de telles décisions. Le gouvernement met en place des formations à l'endroit des élus locaux pour qu'ils puissent comprendre que si le propriétaire n'a pas encore payé l'impôt foncier, ce n'est pas la faute du locataire. Je pense que tout ce qui concerne l'impôt foncier est du ressort des propriétaires. Contacté par téléphone, une des élus locaux a indiqué qu'en refusant de signer ses cahiers de ménage, elle suit simplement les ordres. Cela est fait alors que le porte-parole du ministère de l'Intérieur a indiqué lors de la dernière émission des porte-paroles que l'administration publique devrait donner des documents à la population si elle présente des documents exigés et ne pas considérer les dettes que les propriétaires des parcelles qu'ils occupent ont. Impapuro abenegihugu barekuriwe. Les documents administratifs que cherche la population doivent être délivrés si cette dernière donne tous les éléments requis. Ces dettes contractées par les propriétaires ne sont pas concernées. Nous demandons aux administratifs qui le font de ne plus demander les quittances d'impôts fonciers, qu'ils donnent ces documents en considérant les éléments requis par la loi. Ces personnes arrêtées ont été libérées après avoir payé une somme de 10 000 francs sur le compte de la mairie de Bujumbura. Sheila Irambona, réaction de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les marginalisations économiques qui s'inscrit en faux contre ce qu'il appelle arrestation et emprisonnement abusif des irréguliers arrêtés pendant les fouilles et perquisitions. Karouyer Rouftiri, président de l'Olicom, par des cas de gens récemment libérés du cachot du bureau spécial de recherche BCR, demande aux agents nantis de pouvoir public de changer de mentalité. On l'écoute dans ses propos recueillis par Évariste Nzikobanyanga. Nous avons entendu qu'il y a des problèmes au niveau des emprisonnements abusifs de la part des administratifs, que ce soit des administratifs au niveau local, que ce soit au niveau de la mairie ou à l'intérieur du pays. Surtout, ce sont des emprisonnements qui sont liés à la demande des cahiers de ménage, mais aussi que si les habitants de ces localités ont payé l'impôt foncier. D'abord, nos paiements de l'impôt foncier, ce n'est pas une infraction. Il y a des amendes qui sont là car le contrevenant n'a pas payé à temps. Mais emprisonner quelqu'un sur cette base-là, vous comprenez que c'est une violation flagrante de la loi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez vu que la plupart des citoyens qui ont été emprisonnés récemment, donc il y a des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que même les représentants de la CNIDH sont allés au bureau spécial de recherche pour constater cette situation. Et selon les mêmes informations, la CNIDH a fait sortir plus de 300 personnes qui étaient emprisonnées dans les cachots du bureau spécial de recherche BCR. Donc, nous pensons qu'il faut que vraiment, comme le chef de l'État ne cesse pas de le dire, il faut que la dignité humaine, il faut que les citoyens soient au centre de tout ce que l'autorité est en train de faire. Gabriel Roufsiri, président de l'Olicom. Nouvelle de Provence à présent, une partie de la population de la zone Mounini en commune des Provence et Bururi se plaignent de voir leurs propriétés mises dans la superficie des massifs Kibimbi-Nanzégué, placés par l'Office burundais pour la protection de l'environnement dans les aires protégées. Berkman Seatungimana, directeur général de l'OBPE, dit que la superficie identifiée appartient bel et bien à l'État. Toutefois, les cas de ceux qui détiennent des documents attestant l'attribution de ces terres par l'État seront étudiés pendant que les occupants illégaux qui pratiquent des activités agropastorales devront quitter sans condition. Zenon Zambiman. Ces grognes se font entendre chez certains de la population des collines Buhinga et Muyang de la zone Munini en commune et province de Bururi. Ils disent que leurs propriétés ont été identifiées dans la superficie des massifs et montagnes Kibimbi-Inanzegwe, dont les études pour être placées parmi les aires protégées ont été déjà terminées par l'Office burundais pour la protection de l'environnement OBPE, alors que certains parmi eux ont des documents attestant l'attribution de ces terres par l'État. D'autres qui pratiquent les activités agropastorales dans ces massifs montagnes, dont ceux qui ont des champs de maïs, confirment qu'ils n'ont aucun document. Au niveau de l'OBPE, on fait savoir que sur 11 642 hectares qui ont été déjà identifiés sur Kibimbi-Inazegwe pour être placés parmi les aires protégées, 235 hectares sont occupés illégalement par la population alors que toute la superficie identifiée appartient à l'État. Ces données ont été présentées à Bururi mercredi par l'OBPE. C'était au cours d'un atelier de validation des documents d'une étude d'identification de ces massifs montagneux et celui du décret portant leur création. Le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement tranquillise ceux qui détiennent des documents attestant l'attribution de leur propriété par l'État, car leurs cas seront étudiés. Toutefois, Berkima Seatungimana dit que les occupants illégaux, dont ceux qui y pratiquent des activités agropastorales et qui seraient parmi les auteurs des feux de brousse qui se remarquent toutes les saisons sèches, seront obligés de quitter, car ils passent même outre la mesure de stabilisation permanente. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Pénurie de semences de maïs en Ngozi où 1 kg de la variété Bazoka coûte 15 000 francs burundais au marché central de cette province. La population se plaint du retard mis pour acquérir ces semences alors qu'ils ont terminé le labour et l'acheminement du fumier dans les champs. Le directeur du bureau provincial en charge de l'agriculture les tranquillise et annonce que les semences subventionnées par le gouvernement leur arrivent bientôt. Émile Koubguimana rassure ses cultivateurs qu'ils ne sont pas en retard pour le semis. Apollinaire Muzagara. Sur toutes les lèvres des agriculteurs de la province Ngozi, c'est la question de savoir où trouver des semences de maïs. La plupart ont déjà terminé le labour et ont déjà déposé du fumier dans les champs. Ces agriculteurs disent avoir même déjà récupéré les engrais chimiques dans certains coins où le sol est facilement perméable à l'eau, comme dans les zones Mivo, Rukecho et ailleurs. Il y en a qui ont même déjà semé, mais déplorent le prix élevé des semences. Un kilo de maïs se vend à 15 000 francs bou contre le prix normalement fixé par le gouvernement de 4500 francs bou, notamment le PAN 53. Ces agriculteurs d'Ngozi demandent au gouvernement de disponibiliser le plus tôt possible des semences de maïs et même de pommes de terre afin de ne pas rater ou semer tardivement la saison culturelle B de l'an prochain, comme ça a été le cas la saison B dernière. Le gros disent que les pluies déjà tombées suffisent pour semer le maïs. Emile Koubguimana tranquillise qu'il n'est pas tard pour semer et que le gouvernement va bientôt envoyer des semences subventionnées. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sanganir. Nécrologie pour boucler ce journal. Le monde médiatique burundais pleure la mort ce lundi du journaliste Pascal Boutoyi de la Radio-Télévision nationale du Burundi. Né en 1972 sur la colline Mubira, commune Mugamba de la province Bururi, il fait ses études primaires à l'école primaire Gatwe et sera orienté au lycée de Musinzira de Gitega où il terminera ses humanités générales dans la section lettres modernes en 1992. Notre confrère poursuivit ses études universitaires à l'Université du Burundi, à l'issue desquelles il décroche en 1996 le diplôme de licence en langue et littérature africaine. De 1996 à 2002, Pascal Boutoyi enseignait le cours de Kirundi au lycée du Saint-Esprit. Le 1er juillet 2002, notre confrère commence sa carrière journalistique au service des programmes de la première chaîne de la Radio Nationale du Burundi. Ces dernières années, Pascal Boutoyi évoluait à la rédaction TV où il était devenu un grand chroniqueur des questions environnementales, gestion des risques et catastrophes. Il laisse une femme, 6 enfants et 1 petit enfant. Que la terre lui soit légère. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.